Lettre cinquième, Monsieur Villard à Lady Howard, 18 mars. Madame, cette lettre vous sera remise par mon enfant, l'enfant de mon adoption, de mon affection. Privée des plus doux liens de la nature, elle mérite de trouver des ressources dans le sein de l'amitié. Je vous l'envoie innocente comme les anges, pure comme le jour, et avec elle je vous envoie le cœur de votre ami, son unique espoir sur la terre, l'objet de ses plus tendres soins. Pour elle seule, madame, j'ai souhaité de vivre encore. Pour elle seule, je suis prêt à mourir avec joie. Rendez-la-moi, avec toute l'innocence qu'elle vous apporte, et vous aurez rempli mes plus chères espérances. Arthur Villard.